au ruisseau, midi au clocher, et ni le cheval qui s'en va au galop, à la campagne. Et maïs qui danse sous un vent qui les bruisse, ce qui pousse sur cette terre nous est offert par la pluie, les petites bêtes, les fourmis à la campagne.